Les joueurs coréens qui avaient participé au 63e championnat mondial de pentathlon militaire tenu du 9 au 13 en Autriche ont regagné le 18 la patrie par vol. Rappelons que les joueurs coréens y ont obtenu 2 médailles d'or et 3 médailles de bronze.